contrebas le paysage illuminé de soleil, sans neige, la perspective de champs de blé, de fermes et de forêts, de hameaux cachés, de ruisseaux sinueux. Très loin, le fleuve. Il lui semblait sentir l'odeur chaude de la terre. Un bonheur immense lui remplit le cœur. Il éperonna son cheval, partit en avant, suivi par les autres cavaliers. À présent, il entendait tout, distinctement. Les harnachements qui sonnaient, le bruit des sabots pareil au tonnerre. Et les hommes hurlaient dans une clameur infernale et il avait mis sa voix à la sauf son propre cri. Puis, ce fut le silence absolu.